Les cuirassiers de Reichshoffen, écrit par Gustave Toudouze, lu par Armen pour audiocité.net. Notice sur la bataille de Fröschwiller, Reichshoffen, août 1870. Préliminaire. À la date du 19 juillet 1870, la France notifiait officiellement à la Prusse la déclaration de guerre. Après l'insignifiant engagement du 2 août à Sarrebruck, venait le premier combat le 4 août, l'écrasement à Wissembourg et au Gaisberg des 7000 hommes de la division Douai. Dès 11h30 du matin, le général Abel Douai était mortellement frappé et 80 000 Prussiens, après avoir subi d'énormes pertes, finissaient par vaincre la vaillante petite armée. Cette même troisième armée, commandée en chef par le prince royal de Prusse, Fritz, nous allons la retrouver à la fatale journée, appelée par les Prussiens « Bataille de Wörth », par les Français « Bataille de Fröschwiller », et désormais immortelle dans l'histoire de l'héroïsme militaire, sous ce nom unique, Reichshoffen. Ce que nous avons l'intention de raconter, aussi succinctement que possible, c'est l'effroyable et glorieuse lutte de 35 000 Français contre 140 000 Allemands pendant toute une journée de 7 heures du matin à la nuit avec une artillerie inférieure en nombre et en puissance. Sous le commandement en chef du maréchal de MacMahon, le premier corps français comprenant les divisions Ducrot, première, Abel Douai, par intérim Pelé, deuxième, Raoul, troisième, Lartigue, quatrième, la division de cavalerie Duhem, avec la division conseil Duménil, première du septième corps, Félix Douai, et la réserve de cavalerie du général Bonnemain, devait combattre cinq corps d'armée allemands sous le commandement en chef du prince royal de Prusse, c'est-à-dire le cinquième, lieutenant général de Kirchbach, le onzième, lieutenant général de Bose, le premier corps bavarois, général d'infanterie, baron de Tannratzamhausen, le deuxième corps bavarois, général d'infanterie de Hartmann, le corps wurtembergeois badois, lieutenant général de Werder. Position. Le matin de la bataille, les deux armées occupaient les positions suivantes. Pour l'armée française, la division du général Ducrot, brigade Wolf et de Posty du Hulbeck, ayant son aile droite en avant de Fröschwiller, appuyait sa gauche à la forêt dite Grosserwald, s'étendant vers Reichshoffen. Elle faisait ainsi face à Lembach, avec une compagnie d'avant-postes dans les villages de Neuwiller et de Jägertal. Des bouquets de bois y masquaient l'approche des Prussiens. La division du général Raoult avait sa première brigade, général Lérier, devant Görsdorf, et sa deuxième, général Lefebvre, entre Fröschwiller et Elsasshausen, qui se trouve un peu en contrebas du premier village. La division Lartigue présentait le front de sa première brigade, général Fraboulet de Kerléadec, à Gunstedt, et celui de la deuxième, général Lacretel, à Morschbronn, village non occupé. La division commandée par le général de brigade Pelé, remplaçant Abel Douai, se tenait en réserve derrière la droite de la division Raoult et la gauche de la division Lartigue, avec les deux brigades Pelletier de Montmarie et Pelé. En arrière de la division Lartigue se massait la division Conseil du Ménil du 7e corps, brigade de Nicolai Emmer, et la brigade de cuirassiers Michel, sous les ordres du général de division Duhem. Aux sources de l'Eberbach, derrière la division Raoult était placée la 2e division de cavalerie de réserve, général Bonnemain, la brigade de cavalerie légère, général Septeuil. Enfin, la brigade Nansouty avait été fractionnée en cavalerie légère. Pendant la plus grande partie de la bataille, le maréchal de Mac Mahon se tint sur la hauteur placée à l'est d'Elzasshausen. Les troupes engagées dans cette sanglante journée furent les 18e, 96e, 45e, 50e, 74e, 78e, 36e, 48e, 56e, 87e, 3e, 21e, 47e et 99e de ligne. Les 13e, 16e, 8e, 1er et 17e chasseurs à pied. Les 1er, 2e et 3e zouaves. Les 1er, 2e et 3e tirailleurs algériens. Les 1er, 2e, 3e, 4e, 8e et 9e cuirassiers. Le 3e hussard. Le 11e chasseur à cheval. Les 2e et 6e lanciers et le 10e dragon. Pour l'armée allemande, le 2e corps bavarois et le 5e corps prussien se trouvaient à Lembach et à Preuschdorf. Le général de Hartmann dirigeait la 4e division, lieutenant-général comte de Bottmer, vers l'ouest. La 7e brigade d'infanterie, général-major de Tirek, envoyant deux bataillons du 5e régiment et un escadron du 2e chevaux léger sur la Kuhbrück, dans la vallée de la Sauer, pour donner la main au 5e corps. Le reste de la 7e brigade prenant position au sud de Matchtal, sur la route de Langensulzbach, avec les trois autres escadrons du 2e chevaux léger et une batterie. La 8e brigade d'infanterie, général-major Meilinger, et ses trois batteries se déployant au nord de Matchtal. La réserve, composée de la brigade de Hulland du général-major de Mulzer et de l'artillerie du colonel de Pilment restant à Lembach. À gauche de la Kuhbrück, par Sparbach jusqu'à Gunstedt, les avant-postes prussiens étaient fournis par la 20e brigade d'infanterie, général-major de Walter de Montbary, du 5e corps. À Görsdorf, la moitié du 1er bataillon du 37e fusilier. À Gunstedt, le 2e bataillon du 50e infanterie et le 4e escadron du 14e de dragons. À l'ouest de Diefenbach, le reste de la brigade. Les autres troupes de la 10e division d'infanterie, général-major de Schmidt, au sud et à l'est de Diefenbach, Mitschdorf et Preuschdorf, étaient occupés chacun par un bataillon de la 10e division. Le 1er corps bavarois, général d'infanterie baron de Tannratzamhausen avec les lieutenants généraux de Stefan et comte de Pappenheim, marchait à travers le Horwald vers la Sauer par Lobsan et Lampertsloch. Le 11e corps prussien, lieutenant général de Bose, avait ses avant-postes vers la Sauer, occupant Surbourg et la route de Haguenau. Le quartier général du prince royal de Prusse, gardé par le 1er bataillon du 82e d'infanterie de Hesse, 21e division, 11e corps, était à Sulz. Matinée, de 7h à 1h. Ni les Français, ni les Allemands ne pensaient qu'une bataille dût avoir lieu ce jour-là, et, comme dans bien des circonstances, les petites causes eurent de formidables effets. À 7h, le général-major de Walter, craignant une retraite des troupes françaises, pousse, pour s'en assurer, une reconnaissance en avant et jette dans Wörth des obus qui mettent le feu. Immédiatement, les Français ripostent. À la fusillade des tirailleurs se joint le grondement de l'artillerie. L'action est engagée. À la même heure, un engagement semblable avait lieu devant Gunstedt. À 8h15, enfin, les Bavarois de la 4e division marchaient vers Fröschwiller et se voyaient foudroyés par les mitrailleuses. Ce massacre dure jusqu'à 10h30, moment où le prince royal envoie au général Hartmann l'ordre de cesser la lutte. Mais le 5e corps, aux prises avec les Français, n'ayant pas l'avantage, le général Hartmann reçoit l'ordre de se porter de nouveau en avant pour soutenir le général Kirschbach. Sur le centre, à 8h30, l'artillerie du 5e corps réunie à celle du 11e, soit 108 bouches à feu, braquées de Görsdorf à Sparbach, écrase nos 50 canons et mitrailleuses, de sorte qu'à 10h30, le général de Kirchbach peut s'emparer de Wörth. Deux bataillons ayant alors traversé le Sauerbach, entre Wörth et Sparbach, abordent les croupes d'Eltershausen et parviennent à gagner un bois où les rejoint le 11e corps. À 11h30, malgré ses efforts et son nombre, l'ennemi, repoussé sur toute la ligne, de Neuwiller à Morschbronn, n'avait pu occuper une seule hauteur. Et même à midi, le 2e zouave, avec le général Lérier, tente de reprendre Wörth. C'est l'heure où le commandant du 5e corps, voyant ses troupes faiblir, appelle à son secours les Bavarois du 2e corps et le 11e corps. Dans la matinée également, aux environs de 8h, les Français, sous la protection de 5 batteries placées sur les éminences de la rive droite, en face du Bruckmühle, avaient essayé d'enlever d'assaut Gunstedt, occupé par le 5e corps. Le 11e corps arrivant avait repoussé les Français jusqu'au bois de Niederwald, où ceux-ci, reprenant l'avantage, firent à la baïonnette un horrible massacre des Prussiens. Au Bruckmühle, le général de Lartigue, avec les brigades Fraboulet de Kerléadec et la Cretelle, obtenait le même succès. Ému de la situation, le prince royal allait enfin quitter Soultz et se transporter sur le théâtre de l'action pour faire donner toutes les forces allemandes à la fois, soit 140 000 hommes et 500 bouches à feu contre les 35 000 Français qui luttaient si héroïquement depuis le matin. Chaque division française devra tenir tête à un corps d'armée allemand, 5 divisions contre 5 corps complets. Attaque d'Elsashausen et de Fröschwiller. À 1h, le prince royal arrivait donc sur la hauteur de Wörth et prenait en personne la direction de cette bataille qu'il ne voulait pas engager le matin. Les troupes françaises conservaient encore toutes leurs positions, mais les Allemands avaient fait un considérable mouvement en avant et notre artillerie n'était pas de force à lutter longtemps avec la leur. Un sanglant combat s'engage sur la rive droite de la Sauer que viennent de traverser les soldats du 5e corps. Le colonel de Burghoff est tué, le colonel Michelmann blessé. Leurs régiments sont sauvés par l'arrivée du régiment des grenadiers du roi. Les Prussiens, grâce au nombre et aux troupes fraîches, parviennent à occuper le plateau entre Wörth et le Niederwald et de là bombardent Elsashausen. À 2h, une nouvelle attaque échoue et les Allemands en force profitent du mouvement de retraite des Français pour gravir à leur suite les hauteurs, tandis qu'au sud-ouest de Wörth, d'autres masses ennemies enlèvent également des croupes montagneuses. Tout le 5e corps domine Elsashausen et menace Fröschwiller. Morschbronn. Pendant ce temps, l'aile droite soutenait également les attaques furieuses et répétées du 11e corps. À midi, les bataillons du 11e corps, partis de Sparbach, parviennent à occuper une partie du Niederwald et le général de Lartigue lutte héroïquement dans l'Albrechtshöserhof contre des masses considérables. Il finit par être écrasé par les bombes et les obus et le 3e tirailleur algérien est presque anéanti. Mais les ennemis ont subi des pertes cruelles. Le colonel de Koblinski a été mis hors de combat et le lieutenant-général de Bose blessé. À l'extrême droite, les Prussiens s'emparent brusquement de Morschbronn. La situation devient grave, car si l'ennemi dépasse Morschbronn, le général Raoult est débordé. Alors a lieu la première des deux charges immortelles de cette mémorable journée. La brigade Michel, quittant son abri, un ravin au sud du Niederwald, accourt par échelons. Au premier rang, le 8e cuirassier, avec le colonel Guillot de la Rochère, en colonne par escadron. Ensuite, le 9e cuirassier, avec le colonel Waternau, ayant 3 escadrons déployés et le 4e en colonne, et derrière eux le 6e lancier de la brigade Nansouty, commandé par le colonel Poissonnier. Telle est la composition de cette admirable troupe qui pousse droit sur Morgebronn sous la fusillade dirigée contre sa gauche par les Prussiens occupant l'Albrechtshäuserhof. Ils sont accueillis par une fusillade meurtrière qui les décime en un instant et leurs débris vont encore se faire massacrer dans les rues du village. 8e et 9e subissent le même sort, foudroyés à bout portant de toutes les fenêtres par le 80e régiment. Il en est de même pour le 6e lancier. Bien peu de ces malheureux échappent à cette boucherie, car dans leur retraite même, exténués, ils sont assaillis par les hussards prussiens et achevés. Cette charge sauva la droite de l'armée française et permit aux généraux de Lartigue et Conseil du Ménil de replier leur infanterie sur Eberbach et le Niederwald. Avaient été tués le général de brigade Maire, 7e corps, et le colonel Poissonnier du 6e lancier. À 7h30, les Français font un retour offensif et reprennent l'Albrechtshäuserhof. Malheureusement, l'artillerie de Gunstedt les écrase de nouveau et ils sont rejetés dans le Niederwald où les Prussiens s'engagent vers 2h30. Le colonel du 88e Prussien, Köhn de Jaski, est tué par un obus durant la lutte corps à corps qui a lieu dans ces bois. Prise d'Elsasshausen. Ce sont les divisions Conseil du Ménil, de Lartigue et Pelé, harassées de fatigue par cette lutte sans repos depuis le matin, qui défendent Elsasshausen contre l'attaque allemande. 8 batteries prussiennes, dirigées par le colonel de Bronikowski et le général Haussmann, prennent position en arrière d'une allée de cerisiers à l'est d'Elsasshausen et battent le village. Elsasshausen incendié n'est plus tenable. C'est le moment où le général de Bose, aidé d'une partie du 5e corps, lance toutes ses troupes en avant et malgré une résistance désespérée, le village est pris par les 11e et 5e corps complètement mêlés. À gauche, à l'ouest d'Eberbach, le 32e régiment du 11e corps marchait vers Reichshofen, tandis que les batteries se portaient en avant et autour d'Elsasshausen, à 2000 mètres de Fröschwiller, écrasant d'obus l'armée française et sa dernière position forte. La charge des cuirassiers. Elsasshausen aux mains de l'ennemi, la situation devenait terrible. La retraite même était compromise. L'infanterie française tente un suprême effort pour reprendre la position qu'elle vient de perdre. Mais elle est dispersée et massacrée par les nombreuses batteries établies par les Allemands sur toute la ligne des hauteurs. C'est alors que le maréchal de MacMahon veut encore faire une suprême tentative et essayer d'entraver le mouvement des 5e et 11e corps sur Fröschwiller. Et il donne à la division de cavalerie Bonnemain l'ordre de charger. Comme leurs camarades du 8e et du 9e à Morgebronn, les héros des 1er, 2e, 3e et 4e cuirassiers vont à la mort. Les troupes prussiennes qui allaient les recevoir étaient les 1er bataillon du 94e, bataillon de fusiliers du 88e, 1er bataillon du 83e, bataillon de fusiliers du 82e avec divers, 3 pièces de la 5e batterie lourde, 1ère batterie à cheval, 6e et 2e batterie légère, 1ère et 2e batterie lourde à l'est d'Elsasshausen, 3e batterie à cheval, 5e batterie légère à l'ouest d'Elsasshausen pour le 11e corps. Les 5e et 6e compagnies du 59e, 1er bataillon du 7e, 2e bataillon du 50e, 1er bataillon du 50e avec partie des diverses compagnies des 6e, 46e, 57e pour le 5e corps. La division Bonnemain était en réserve dans un pli de terrain. L'espace qu'elle avait à parcourir se trouvait malheureusement des plus défavorables, coupé de fossés et semé d'arbres à hauteur d'homme. Alors commence la grande épopée, dont tout Français devra conserver l'éternelle mémoire. Patrie, ceux qui vont mourir pour toi te saluent. Le premier cuirassier, commandé par le colonel Vandœuvre, s'élance et charge par escadron. Dès le commencement, un fossé arrête les cavaliers et rompt leurs rangs. Ils sont forcés de faire demi-tour sous le feu d'enfer, vomi du milieu des vignes et des houblonnières où se cache l'ennemi, tandis que les batteries tirent sur eux à obus et à mitraille. Les pertes sont effroyables. À gauche, le quatrième cuirassier, entraîné par le colonel Billet, galope sur un espace de plus de 1000 pas pour trouver un terrain favorable, tandis que la trombe de fer et de feu ne cesse pas. Il est dispersé par ses invisibles ennemis. Le colonel blessé est fait prisonnier par le 2e bataillon du 58e, 5e corps. Le 2e cuirassier charge à son tour par demi-régiment et perd en officiers 5 tués, de nombreux blessés, plus 129 hommes et 250 chevaux. C'est une véritable hécatombe. Le 3e cuirassier subit un sort aussi épouvantable, bien que la moitié seulement du régiment est chargée. Son colonel, M. Lafutsin de la Carre, est littéralement décapité par un obus. 6 officiers sont tués, ainsi que 70 hommes et 70 chevaux. Malheureusement, ce grand dévouement ne peut plus sauver l'armée française. Le dernier effort contre Elsasshausen est terminé, et des deux côtés du village débouchent les têtes de colonne de la 2e brigade wurtembergeoise, général-major de Starkloff. Il était un peu plus de 3 heures, et le chef d'état-major du maréchal de MacMahon, le général Colson, venait d'être tué près de lui d'une balle au front. Fröschwiller. Désormais, il ne s'agit plus que de disputer pied à pied le terrain, de le faire payer le plus cher possible à l'ennemi, à ces masses énormes et successives, à ces colonnes profondes auxquelles, de son poste d'observation sur la colline entre Wörth et Dieffenbach, le prince royal envoie constamment l'ordre de se porter en avant. C'est la lutte héroïque et désespérée du petit nombre contre la foule. Toujours et toujours arrivent de nouvelles troupes fraîches pour écraser cette poignée de héros qui se bat sans relâche et sans renfort contre un ennemi toujours renaissant. À 4 heures, c'est enfin toute l'armée allemande, en masse compacte et profonde, avec ses 5 corps d'armée parfaitement reliés entre eux, qui s'avance pour enlever Fröschwiller. De tous les points, de l'est, du nord et du sud, les obus et les balles pleuvent sur le village en feu. Mais la résistance est énergique. Le général de Beauze est grièvement blessé pour la seconde fois. 2 officiers d'ordonnance tombent morts, ainsi que le lieutenant d'état-major de Heinekius. Le chef d'état-major général de Stein a son cheval tué sous lui, et le major Kach, du 87e, est tué. Cependant, la fin va arriver. Un bataillon wurtembergeois tourne la position par la droite, du côté de Reichshofen. Au sud, le 11e corps avance toujours. Par l'est et par le nord, accourent le 5e corps et les Bavarois. Fröschwiller flambe. Les Français se battent rue par rue, maison par maison, follement. Le colonel Sudzoni du 2e tirailleur algérien, brigade Lefebvre, division Raoult, avait été tué en avant du village. Puis le colonel Franchessin du 96e de ligne, brigade Wolf, division Ducrot. Là tombe, mortellement blessé, le général de division Raoult. L'heure suprême a sonné. Fröschwiller, un amas de décombres, est pris. L'armée française, poursuivie par un implacable ennemi, bat en retraite sur Reichshofen, rendant coup pour coup et se fusillant avec lui dans le Grosser-Wald. Cette bataille perdue, c'était l'invasion, la France mortellement blessée. Perte des 2 armées. La bataille de Fröschwiller avait été beaucoup plus meurtrière pour les vainqueurs que pour les vaincus. l'armée française n'ayant pu être battue que par le nombre. Les pertes se répartissaient de la manière suivante. Armée française, 4 000 hommes tués ou blessés, 200 officiers et 9 000 hommes faits prisonniers. Armée allemande, 10 153 hommes mis hors de combat, 489 officiers, dont voici le détail. 106 officiers tués, 383 officiers blessés, 1 483 hommes tués, 7 297 hommes blessés, 1 373 hommes disparus. 2 généraux et 15 colonels avaient été atteints. Panorama. La charge des cuirassiers vient d'avoir lieu, épouvantable, meurtrière. Le terrain qu'ils ont parcouru est jonché de cadavres et de blessés. Les masses ennemies s'avancent de toutes parts, couvrant les collines jusqu'à l'horizon, sous les ordres du colonel Suzzoni et du commandant Duhousset, une dernière poignée de Français. Des héros de toutes armes se font tuer en disputant le sol pied à pied contre des milliers d'Allemands. Il est 4 heures. C'est le moment terrible choisi par les peintres comme une note sombre destinée à perpétuer dans les cœurs français le souvenir et l'exemple d'un inoubliable héroïsme. Pour bien étudier l'action, le spectateur devra, sur la plateforme, se placer d'abord face au couchant ou sur le fond bleu des Vosges. Dans un creux en arrière des derniers arbres du Gros Sorwald se détache le clocher lointain de Reichshofen. Derrière la hauteur couronnée d'arbres se tenait la division du général Bonnemain, 1er, 2e, 3e et 4e régiment de cuirassiers, avant de recevoir l'ordre de charger. Gravissant la colline, les cuirassiers ont chargé dans la direction d'Elsasshausen, à travers les prairies, les terres labourées et le chemin creux, essayant de remonter jusqu'au plateau d'où les foudroyaient 8 batteries prussiennes. Tout le parcours est semé de cadavres, de blessés, de caissons, de chevaux. Là fut blessé et pris le colonel Billet du 4e. Là fut tué le colonel Lafutzin de Lacar du 3e, qui eut la tête emportée par un obus. L'officier blessé, soutenu par un cuirassier, est le commandant Bruta, dont le bras gauche fut coupé net. Puis, la ligne montagneuse s'abaissant, on aperçoit à l'extrême horizon la masse grisâtre de la forêt noire, la direction de Strasbourg, et derrière les sommets d'où descendent les batteries ennemies, le Niederwald et Morschbronn, tombeau des 8e et 9e cuirassiers, brigade Michel, et du 6e lancier de la brigade Nansouty. De chaque côté d'Elsasshausen, en flammes, descendent des troupes prussiennes appartenant au 11e et 5e corps et des Wurtembergeois, jusqu'au cuirassier brûlant la cervelle à un officier prussien à cheval. Maintenant, le spectateur remarquera les collines jaunes du fond, les hauteurs de Gunstedt avec le peuplier au pied duquel se tenait le commandant en chef de la 3e armée, le prince royal de Prusse. Dans le creux, on distingue Wörth. Au premier plan arrivent drapeaux déployés, les troupes prussiennes appartenant au 5e et 11e corps, généraux de Kirchbach et de Bose. Ce qui domine ensuite à l'horizon, c'est la masse verdoyante du Horwald, devant lequel se trouve le village de Görsdorf. Les masses allemandes se lancent dans la direction de Fröschwiller, engagement corps à corps dans la fumée. Plus on se rapproche du dernier village, occupé par la division française du général Ducrot, première du premier corps, plus la lutte est acharnée. Depuis la ligne d'horizon, les batteries et les tirailleurs prussiens écrasent la position de leur feu. Dans les houblonnières, on se bat à bout portant. L'officier en bleu, les bras croisés, est le colonel Suzzoni du 2e tirailleur algérien qui fut tué à cette place. Plus bas, celui qui tient son sabre à deux mains est le commandant du Housset qui, échappé au massacre, a été plus tard, dans Fröschwiller, mis en liberté par ordre du prince royal auquel le général Raoul blessé à mort le présentait. Derrière Fröschwiller en feu, s'étendent la forêt de Sulzbach et Langensulzbach, puis les dernières lignes françaises avec artillerie. Enfin, en revenant vers Reichshofen, les masses sombres du Gros Orwald et la forêt de Niederbronn. Dans la plaine, le point de ralliement des cuirassiers survivants de la division Bonnemain. Il est 4 heures, et depuis Eberbach jusqu'à la hauteur placée au sud-est de Neuwiller, toute la ligne allemande s'avance concentriquement sur Fröschwiller, menaçant déjà la retraite vers Reichshofen. Nota. L'auteur de la remarquable façade du panorama, un des monuments de Paris, de la rotonde et de toutes les autres parties de la construction est M. Charles Garnier, l'éminent architecte de l'Opéra. Dans ce beau travail, il s'est adjoint son inspecteur, M. Charles Reynaud. Messieurs Théophile Poilpot et Stéphane Jacob sont les peintres de la toile panoramique. M. Métayer, décorateur de l'Opéra, a fait les terrains naturels. Enfin, nous devons à M. Jules Talrich, le modeleur statuaire dont on connaît le curieux atelier, boulevard Saint-Germain, les figures de cire représentant d'une manière si étonnante et si vraie les cadavres étendus sur les terrains naturels. Quant aux superbes mosaïques de la façade, exécutées par M. Paris du Bourget, elles ont cet intérêt tout spécial que c'est une véritable consécration de l'art de la mosaïque comme national, car elles ont été faites par des ouvriers français avec des matériaux français, sans aucun concours étranger.